ne change pas. Une veste ne cache que peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste tant.